C'est le commentaire de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet lablitznfl.com. Salut mon Tony. Salut Danny, ça va bien? Oh, ça va bien, ça va bien. Tony, c'est été confirmé. Mark McCarthy, avant de parler des matchs de la fin de semaine, on va parler évidemment des nouvelles dans la NFL. Donc Mark McCarthy oui. À Dallas. Enfin, on va ouais. avoir un technicien et non un cheerleader. Mmh. Ouais. Je pense que dans toutes les embauches, puis même lui, il va être content parce que il va avoir une bonne équipe entre les mains. Puis McCarthy, il a quand même fait des bonnes choses à Green Bay, même s'il a été étiqueté comme le gars qui a seulement gagné un Super Bowl avec Aaron Rodgers, mais il était comme à trois matchs. Les autres années, il était comme à trois fois proche d'un Super Bowl. Là. Je pense qu'ils ont perdu deux fois même en overtime pour se rendre au Super Bowl. Fait que je pense que McCarthy, c'est la bonne personne, c'est la bonne embauche à Dallas. Là. J'espère juste que Jerry Jones sera pas trop dingue. Non, c'est ça la clé. C'est ça la clé, puis McCarthy n'a pas été habitué à Green Bay, là, le propriétaire n'était pas là pantoute, là, ouais. Fait que, il avait quand même genre carte blanche. McCarthy est considéré aussi quand même conservateur, je l'ai dit, pas mal technicien, donc il mise beaucoup sur la répétition, sur l'exécution, donc ce genre de joueur à Dallas, ils vont en avoir besoin, puis j'espère que les joueurs vont bien répondre. Puis McCarthy aussi, il est très bon avec les corps arrière. C'est un ancien coach des QB. Mm. Donc, il a développé vraiment des grands corps arrière avec le temps. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Prescott. Je ne suis pas inquiet. La seule affaire, c'est de savoir là, Dallas. Il y a des rumeurs qui circulaient que Tom Brady pourrait aller là. Logiquement, ben là, ça va être la saga. Ouais. C'est une saga qu'on ouais. va... J'ai l'impression qu'on ouais. va se parler souvent ce printemps parce que ça va être un roman savon, ce ouais. soir-là. Mais la rumeur, juste pour te dire, Danny, la rumeur de Tom Brady à Dallas, c'est parce que il y avait des... il supposait peut-être que McDaniels irait ouais. à Dallas. Ouais. Parce que Brady va peut-être... on va s'en parler, puis on va en entendre pas mal. Là, on peut aller jusqu'au prochain repêchage. Ça va être un roman savon. Oui, oui, Brady va... Il y a deux choix. Brady va soit suivre McDaniels, puis... Où, là, ça parle plus des Chargers, là, mais pour venir à Prescott, à Dallas, il n'y a pas de contrat. Donc, les rumeurs en ce moment, c'est qu'ils vont peut-être l'étiqueter comme joueur de franchise. Donc, un salaire moyen des cinq plus hauts quarts arrière là, dans la ligue. Fait que ça risque d'être quand même un bon salaire pour Dak. Je pense que dans toutes les embauches, McCarthy, très, très intéressant. Puis il va amener, je suis pas sûr que ça a été confirmé, mais il risque d'amener Mike Nolan ouais. Comme coordonnateur défensif. Donc il est très intelligent. J'adore les coachs qui veulent bien s'entourer. Moi je pense qu'il faut. Il faut dire que les Cowboys vont faire des séries l'année prochaine. Moi, je pense que écoute, c'est un bon entraîneur, puis il a perdu sa job parce que ça marchait pire qu'Aaron Rodgers. Ouais, mais c'est le genre de coach que, tu sais, on va lui donner 3-4 ans, puis, tu sais, à un moment donné, il va réussir pendant les 3-4 premières années, puis après ça, on verra, là, tu sais. OK. Donc, on va y aller. Aussi, il y a Matt Schur qui est rendu avec les Panthers de Caroline. Matt Schur qui était de Baylor. Matt Rule, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est un gros wow, Danny, parce que, ben, en tout cas, il y a deux côtés. Là. Il y a le côté administratif, je vais en parler tout de suite. Là. Ils ont donné un contrat de 7 ans, okay. 60 millions de dollars. Oui, monsieur. Donc, il est le sixième plus haut de la NFL après les Carroll, Belichick, Harbaugh. Il m'en manque, là. Les grands noms, là. Les ouais. grands noms de la NFL, fait que le gars de la NCAA qui s'en vient, mais il y a un message derrière ça, faut pas confondre, il y a bien du monde qui disent que, OK, c'est un autre coach de la NCAA, il réussit pas. Rule est différent de toute cette okay. gang-là, il est pas mal, c'est un expert dans les X et les O, là, comme on dit, sur le terrain. Là. Donc, au niveau de la tactique, là, au niveau de la technique, donc c'est un vraiment bon là-dessus. Il faut pas le comparer à un Kingsbury ou même un Chip Kelly de ce monde. Là. Okay. Il a beaucoup de contenu. C'est un bon gars de football. Il a remonté deux gros programmes dans la NCAA. Fait que c'est sûr qu'il n'a pas d'expérience de la NFL, mais la raison pourquoi on lui a donné 7 ans, c'est que le propriétaire des Panthers veut y donner. Tu sais, je veux dire, c'est difficile de changer des coachs, puis tu sais, il faut donner le temps. En tout cas, il y a 7 ans. Fait que, il y a 7 ans pour monter son club à son image. Donc, le propriétaire, même s'il finit 4-12 ou même 8-8 dans 2 ans, il va y donner le temps pour vraiment de bien s'entourer, autant sur le terrain. Et lui, son but, son objectif ultime, vu qu'il n'y a pas d'expérience NFL, faut qu'il s'entoure de bons coordonnateurs qui viennent de la NFL. Là, il y a des rumeurs qui amènent du monde de Baylor. Ça me chicote un peu, mais faut qu'il s'entoure au moins pour les gars de la NFL qui connaissent la game à ce niveau-là. Là. OK. Moi, j'ai vu passer que Josh McDaniels avait une entrevue avec les Browns de Cleveland. As-tu vu ça passer aussi, toi? Oui, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Oui, puis j'ai même entendu que même peut-être sa femme serait avec. Donc ça risque quasiment une signature vite. Là. Je sais que les Browns, là, je pense qu'ils ont capoté parce que c'est la seule équipe qui n'a pas engagé un coach. Fait que oui, Josh McDaniels, mais ouf, Josh McDaniels à Cleveland, je suis pas sûr. Non. Je sais pas à ce niveau-là, puis j'espère pour les Browns que... C'est parce drôle, que, un Mike McCarthy aurait été bon à Cleveland. Ça prend un vétéran? Oui, ça prend un vétéran, mais entre moi et toi, Danny, qu'est-ce qui est plus sexy? J'ai une meilleure équipe à Dallas. Ouais, j'ai pas des divas, des personnalités fortes. Tu sais, je veux dire, à Dallas, t'as une équipe, tandis qu'à Cleveland, t'as des individus, des bons joueurs. Là, fait que c'est difficile à connecter des bons joueurs. Puis, en tout cas, au moins, Dallas, il y avait une certaine culture. Il manquait de guidance, comme on dit, d'accompagnement et plus de tactique et non de dire que t'es bon et t'es fin. Là. Fait que ça prend vraiment l'aspect tactique et technique. Mais McCarthy a bien choisi. Moi, j'avais fait la même chose. Mais c'est sûr que Jerry Jones à Dallas, par contre, c'est pas facile. Ouais. Ben, on va voir. On va voir. Ouais. Bon, je pense que si McCarthy amène des victoires, Jerry va se la fermer un peu. Là. On va y aller maintenant avec les matchs de la fin de semaine. Ça va commencer à 13h30, le premier match entre les 49ers affrontent les Vikings du Minnesota. Les Vikings qui m'ont malheureusement pété ma boule parce que moi j'avais prédit un Super Bowl Nouvelle-Orléans contre les Chiefs. Donc voilà. Ouais. Comme toi, oui. Et je crois que c'est le match vraiment que tout le monde va surveiller parce que dans tous les week-ends, dans les gros week-ends, on voit toujours une surprise ou deux. Là. Je pense que ce match-là, encore une fois, on réagit. Là. Je pense que les Vikings, c'est vraiment une bonne équipe. Puis, sauf que c'est sûr, la question, c'est quelle équipe qui va se présenter, mais ils sont vraiment dans un momentum, les Vikings. Ouais. Donc, ils vont amener toute cette adrénaline-là, cette grosse victoire contre les Saints la semaine passée. Dalvin Cook, Adam Thielen. C'est lui la clé, hein? C'est lui la clé. C'est ça. Donc, Dalvin Cook puis en plus, ces deux, et Thielen, ces deux joueurs qui étaient blessés durant la saison, puis là, sont proches du 100%. Donc, l'attaque des Vikings est là, avec des armes stables, avec Stephen Diggs, Kyle Rudolph. Et un Kirk Cousin que je pense qu'il a réussi à amener tout le reste avec lui. Donc, il va se battre contre lui-même en réalité. Donc, on va voir quel genre de Cousins. Mais ils vont affronter quand même des Niners reposés, très bien dirigés. Reposés, oui. et en santé. Et en santé, tout à fait en accord avec toi, Danny. Puis, sauf que ils ont connu San Francisco contre les grosses équipes, ils ont connu quand même des hauts et des bas. Ouais. Mais c'est une grosse défensive. S'ils sont capables de. Porteurs de ballon aussi, là. Trois porteurs de ballon de 500 verges. Oui, c'est ça. Donc, ils ont vraiment. C'est une équipe, je pense, la plus équilibrée, la plus balancée au sol et à la passe, les Niners. Donc, puis avec une bonne défensive, avec Bosa, ça va être un match serré. Je veux dire, je le dis tout de suite, là, je favorise tous les favoris puis les gens à la maison, les équipes à domicile. Là, donc, mais je sais que je vais me faire avoir. Là, il va y avoir une surprise ou deux. Là, fait, parce que, ben, Danny, il y a une chose. Hein, dans les 4 derniers matchs des séries éliminatoires, là, les 14 derniers matchs, excuse-moi, excluant le Super Bowl, les équipes à la route, ils ont une fiche de 8 et 6. Fait qu'ils ont quand même bien performé à la route. Puis, mais ça va être un match serré, puis ça commence bien le week-end. Là. Un bon match à surveiller. J'ai hâte de voir. On va y aller maintenant avec le deuxième match. Ça va courir énormément. D'un côté, Derrick Henry, de l'autre côté, Lamar Jackson et compagnie. Je pense qu'on va assister à... écoute, c'est pas compliqué pour les Titans, s'ils veulent avoir une chance, c'est laisser Lamar Jackson sur le banc, donc tu dois courir. Oui, il faut vraiment gruger du temps au tableau. Ça va être difficile parce que comparé aux deux, on va dire, je veux dire, si les Titans sont capables d'arrêter le jeu au sol de Ingram et tout ce monde-là, il y a quand même Lamar Jackson. Tandis que de l'autre côté, si tu freines Derrick Henry, ben là, tu laisses le ballon à Ryan Tannehill et c'est de là qu'on sait pas quoi s'attendre. Fait que, elle a la différence. Donc, moi, je suis très content pour Tannehill. Il connaît une bonne fin de saison, une bonne deuxième moitié, mais c'est grâce à Henry là, que tout marche. Donc, ça va être là que mais ça va marcher, arriver. Mais Mariota, Henry était là, puis Mariota, ça marchait pas. Fait que, non, c'est parce qu'il il s'est ajusté Vrabel. Il a dit, je vais tasser Mariota, je vais donner un peu plus le ballon à Henry, puis je vais... Au début, c'était on complète Henry avec Mariota, mais là, c'est Tannehill qui complète Henry. Là, il a vraiment fait ce système de jeu-là. Fait que, mais encore une fois, tout le monde l'a dit, c'est vraiment Lamar Jackson est un corps unique. En ce moment, il est très bon dans Vochette, il est très bon par la course. Donc, les équipes ont vraiment de la difficulté à les contrer. C'est pour ça que, en tout cas, je pense que les Titans, qu'est-ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir un match serré à la demi, tu sais, par 3 points, pas plus, mais s'ils perdent par 2 touchés, là, oubliez ça, mais ça risque d'être un gros match intéressant. Tu sais, je veux dire, les Ravens sont bons des deux côtés, très bien dirigés aussi, les unités spéciales. Donc, moi aussi, encore une fois, je vais prendre pour les Ravens les favoris et son futur MVP aussi. Yeah, Lamar Jackson, c'est pas compliqué. Ouais. 13h, non, 15h05, pardon, le match, c'est probablement le plus facile des quatre. Kansas City contre les Texans de Houston, c'est probablement le plus facile à prédire. Oui, ben dans les prédictions, c'est le seul match où tu as 100% pour les Chiefs, comme on dit. Là. Mais la seule affaire, j'espère juste qu'Andy Reid n'aura pas des crampes au cerveau dans sa gestion du match. Là. Les Chiefs, vers la fin, leur défensive s'est grandement améliorée. Et ça va aider à réduire un peu de pression à Patrick Mahomes. Les Texans, les Houston, ils ont vraiment de la misère à commencer un match. Là. À la demi, on les dit fini, puis tout ça, fait qu'ils reviennent, mais ils pourront pas faire la même chose contre les Chiefs. Il faut que ça soit serré dès le début. Je dois donner l'avantage aux Chiefs, puis Bill O'Brien me déçoit énormément dans sa gestion du match. Cette équipe-là, il faut qu'elle soit mieux préparée en début de match, doit créer, doit capitaliser dans les opportunités, surtout dans zone payante, parce que sinon les Chiefs, après ça, vont les manger tout rond. Là, comme on dit. Tu sais que Sean Watson a plafonné un peu? Ben, c'est pas une question de plafonner, ça en est un qui a besoin, son jeu au sol, il l'aide pas à bien paraître. Fait que il y a trop de pression de Sean Watson. Je suis pas prêt à dire qu'il plafonne, là, parce qu'il faut dire que les Texans, en début de saison, ils ont battu les Chiefs. Puis ils ont eu un gros match par la course. Là. Carlos Hyde avait connu un gros match par la. Mais c'est plus les mêmes équipes qu'on voit. Là. La défensive est meilleure. Mais non, je peux pas dire Watson. Mais je veux dire, il est pas à la hauteur d'un Lamar Jackson. Non, il a c'est besoin ça. Parce que moi, je me rappelle à Clemson, c'était. Ouais. Il était dominant, là. Ouais, mais l'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas Will Fuller, hein. Fait qu'ils ont juste Hopkins. Puis Will Fuller, c'est une décision d'avant-match. Fait que si Will Fuller rentre dans le match, ça va aider à. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand Fuller n'est pas là, tout le monde protège Hopkins. Fait que là, Deshaun Watson, il cherche des cibles, puis mais il est quand même un magicien, là. Il a sorti un gros jeu en fin de match pour gagner contre les Bills. Fait que non, ça va être un autre gros match, mais j'y vais avec notre docteur Duvernay-Tardif et ben oui. Et le dernier match, c'est probablement le match le plus compliqué. Tu peux tirer une pile ou face, surtout qu'on annonce de la neige à Green Bay. Ouais. On annonce beaucoup de neige, même de ça. Donc, écoute, pis en plus, c'est en soirée. Donc, il faut donner, même si les Seahawks sont habitués, parce que c'est pas chaud à Seattle non plus, il faut donner un avantage, encore une fois, aux Packers de Green Bay. Gros avantage, pareil. Oui, puis une grosse anecdote, Danny, ça a l'air que pour 12 piastres de l'heure, tu peux 12 aller pelleter. Oui, 12 piastres de l'heure, c'est même pas le salaire minimum, ici. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais j'ai, un matin, j'écoutais la radio de la NFL, puis il disait beaucoup de... il disait que rendu au match dimanche soir, le terrain va être nettoyé, donc il neigera pas comme tel, mais ça risque d'être beaucoup froid quand même. Donc, on pense pas de voir des chutes de neige pendant le match. Okay. Mais Green Bay, c'est une équipe qui, en tout cas, c'est 50-50, comme tu dis, c'est pile ou face. Mais on sous-estime un peu Aaron Rodgers, mais il faut comprendre qu'il est arrivé dans un nouveau système avec Matt LaFleur, puis ils ont quand même un bon porteur de ballon, Aaron Jones, Jamal Williams. Aaron Rodgers, va falloir comprendre que s'il veut gagner ce match-là, faut pas qu'il mette tout ça sur ses épaules à lui, il va falloir qu'il balance avec le jeu au sol, puis si ça marche pas, de continuer. Parce que là, ils vont affronter les Seahawks. Les Seahawks sont bons à l'étranger. Russell Wilson, c'est plus le Wilson qu'on avait avant où ce qu'il pouvait courir. Donc, mais c'est l'autre crainte parce que s'il se met à courir puis il réussit à aller chercher des verges qui vont nuire, ben c'est là qu'on va voir là. Mais je dois donner l'avantage au Lambeau Field, un match des éliminatoires à Green Bay là. Ça aurait été écœurant à voir un match en soirée. Ben, comme j'ai dit, Aaron Rodgers, il va falloir qu'il soit plus intelligent et j'espère qu'ils vont respecter un plan de match ou d'équilibrer le jeu au sol et le jeu de la passe. Il faut être patient. Faut laisser, comme tu disais un peu dans l'autre match, faut laisser Russell Wilson pas mal sur les lignes de côté le plus possible parce que mais ça va être un excellent match. Ça va être serré. Puis je voulais te dire, depuis la fameuse, le Super Bowl des Patriots là, contre les Falcons, là, il y a eu 27 matchs éliminatoires qui ont été décidés depuis par 8 points en moyenne. Okay. Donc, on parle d'un match de serré. Ça va être excellent à voir. On a vraiment... Puis c'est de la parité en plus. Hein, sur les 8 équipes en fin de semaine, c'est rien que les Chiefs qui étaient là au final de division. Ouais. Les 7 autres, c'est toutes des nouvelles équipes qui participent. Donc, c'est pour ça qu'on aime le football, Danny. Ben, les Seahawks, c'est bien intéressant. Tony, un gros merci. On va te suivre. J'invite les amateurs de football à te suivre tout au long de la fin de semaine. C'est pas mal à update, c'est pas mal à jour. Donc, leblitznfl.com. Merci, bon week-end à tout le monde. Voilà, Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.